D'aucuns le décrivent comme le pape de la SF en bande dessinée. En seulement quelques albums, notre invité a marqué de sa main baguée l'imaginaire de la SF française depuis la fin des années 70 jusqu'à aujourd'hui. De son dessin coloré, fou, puissant, psychédélique, noir, détaillé, géométrique, érotique, pictural, combien d'adjectifs faut-il pour décrire cette œuvre unique qui a marqué des artistes aussi divers que Moebius, Giger et même Georges Lucas, qui a préfacé l'un de ses ouvrages. Fondateur des humanoïdes associés de Métal Hurlant, il est une plume inouïe et inédite, un trésor pour la SF française, et nous avions la chance d'être invités à l'interviewer dans son studio. Philippe Druyet est notre invité. Dans l'atelier de Philippe Druyet, c'est le programme très flaubertien qui est le nôtre aujourd'hui et pour l'heure qui vient, bienvenue dans la méthode scientifique. Bonjour Philippe Druyet. Bonjour cher ami. Mille merci de nous recevoir ici dans votre atelier à Herblay. C'est alors, pas comme grave, on... c'est 2000 euros. ça va faire cher l'heure d'entretien. Dites-moi, mais comme on est à la radio et qu'on n'a pas d'image, est-ce que vous pouvez nous donner ou donner pour les auditrices et les auditeurs un peu d'image, nous décrire l'endroit, l'espace dans lequel on est? Bah, comme tous les ateliers, c'est un mélange de choses terminées, d'autres qui sont en cours, et d'objets usuels, un peu de fétichisme. J'adore les animaux naturalisés, qu'ils soient en résine ou des anciens en vrai. Et puis aussi, c'est l'histoire. J'ai deux ateliers, j'en ai un à Paris aussi, et c'est aussi toute l'histoire d'une vie, quelque part. Parce que là, j'ai un panneau là-bas avec des photos de tas de gens et de collègues du métier que j'ai aimé et qui, hélas, nous ont quittés. Et puis il y a simplement le matériel, évident, peinture, comment dire, pinceau et tout, lieu de travail, un peu bordélique, mais c'est dans ce bordel, si on peut dire, ce mélange, cette foison, je retrouve ce dont j'ai besoin. Si quelqu'un me range tout, c'est l'épouvante complète. Et par exemple, j'ai beaucoup de critériums, parce que j'adore les critériums en métal, et quand j'ai commencé ma petite carrière tout jeune, j'avais pas d'argent, et donc j'avais un critérium, parce que c'était ma préparation au crayon, et je passais mon temps à le perdre. Alors je me suis dit, un jour, quand j'aurai des droits d'auteur conséquents, je vais acheter 50 critériums que je vais poser sur la table, j'en ai pas besoin de regarder, je prendrai ma main et je tomberai forcément sur un critérium correspondant. Et je l'ai fait. Moi mon regard a été attiré par évidemment plein de choses, forcément à titre personnel, tout de suite là à ma droite, il y a une magnifique réinterprétation de l'île des morts de Böcklin. Vous me dites qu'elle n'est pas terminée, vous pouvez nous la décrire en deux mots? C'est un motif que vous avez difficile. Travaillé souvent, l'île des morts. Oui, bien sûr, c'est une obsession personnelle et depuis très longtemps, mais c'est impossible de la décrire parce que c'est un tableau hypnotique. Donc tout le monde trouve là-dedans ce qu'il cherche, sans le savoir inconsciemment ou consciemment, et c'est un mystère. Il y a dans cette toile de Böcklin, quelque chose qui est absolument, incompréhensible quelque part. Ça fait du domaine du... C'est pas ce que freudien, c'est complètement... Il y a une obsession, et là, c'est une base que j'avais de... Parce qu'il y a d'autres pièces à la galerie, donc Barbier, pour le 7 avril, mais j'avais déjà fait des Îles des Morts, et là, nous avons travaillé avec François Avril, dessinateur et peintre aussi, et donc il a repris une base que j'avais qui datait des années 80, où je m'étais promis de la finir un jour. Et puis il a vu cette peinture, donc il a retravaillé par-dessus, et moi je vais retravailler par-dessus. Donc c'est un travail à deux, et deux obsédés de l'île des morts. Le reste, ce sont des photos, des documents, et ça va de Tintin à Böcklin. Ouais, c'est ça qui est fabuleux, parce que je viens du monde de la bande dessinée, et j'en suis très fier, parce que c'est quelque chose de magnifique. Je suis fasciné par la bande dessinée franco-belge, mais évidemment, c'est pas mon style du tout, quoi. Mais ce sont nos illustres prédécesseurs, donc voilà, quoi. De Tintin, parce que vous pouvez me décrire ce tableau-là à la Warhol. C'est le fameux crâne, ça c'est de Flock, et c'est le fameux crabe aux pinces d'or, la boîte de crabe extra, et qui est remplie de pium et tout ça, et il a fait une litho de ça, qui est très Warhol, tout à fait, et j'ai trouvé qu'elle avait sa place parfaite ici, quoi. Mélange de culture métissée de tout. Là-bas, il y a une superbe lithographie qui a été éditée par Michel-Édouard Leclerc et qui est d'un tirage très spécial et qui vient, c'est un agrandissement de l'album La Nuit. Et la nuit, comme Salammbô, pour des raisons très différentes, ce sont mes deux petits best-sellers à moi. Le reste marche bien, mais la nuit et Salammbô, depuis leur parution, continuent à se vendre depuis 40 ans, 50 ans. Et comme on dit, j'ai commencé en 80, Salammbô, et c'est incroyable, quoi, c'est fascinant, quoi. Donc, parce que Flaubert a coûté quelque chose d'extrêmement puissant. Pour moi, c'est très proche du film de David Lean que j'adore, Laurence d'Arabie. En définitive, c'est quoi? C'est un film politique. Et Salammbô, c'est politique. Alors, ça se passe dans un décor somptueux de Tunisie. Chez David Lean, c'est... Qu'est-ce que vous cherchez? Wadi Rum. Wadi Rum. Ah oui, c'est... Donc, voilà. Et donc, pour le thème de l'album ou le thème du film, le décor lui-même pourrait rester. Il est suffisant. Non, il y a une implication politique là-dedans, très forte et très puissante, qui fait que Salammbô est d'une modernité absolument incroyable. On reviendra sur Salammbô et sur La Nuit, évidemment, tout à l'heure. C'est intéressant que vous parliez tout de suite, spontanément, de David Lean et de Laurence d'Arabie à Philippe Brouillet, parce que le cinéma, dès qu'on se penche sur votre carrière, il est partout, il est au départ, il est au milieu, il est à la fin. Jean Bouillet, Midi Mini Fantastique, Jean Rollin, Barbarella, Nosferatu. Vous dites même que le cinéma, c'est ma première vie, et que vous connaissiez les fiches techniques des films fantastiques jusqu'au 14e réalisateur et au 14e assistant. Oui. Il y avait un comparse avec moi, un petit peu plus tardif, qui s'appelle Jean-Pierre Dionnet, qui nous avons créé Métal Hurlant. Et moi, j'étais un fou de cinémathèque. Et je travaillais, j'étais photographe. C'est mon premier métier, ce qui m'a appris le cadre et la lumière. Et tout de suite, j'ai compris, parce que tout l'expressionnisme allemand, très peu de documents, même sur Métropolis de Fritz Lang. Donc j'ai inventé le photogramme, c'est-à-dire je photographiais l'écran. Ce qui était très intéressant, quand le film était muet, je me faisais engueuler par la salle entière, parce que obturateur à rideau, schlac-clac, schlac-clac, schlac-clac. Et donc j'étais un jeune homme passionné qui cherchait sa voix, et sa voix a commencé par le cinéma et la photo. Et je suis devenu fou ailier, et je me suis rendu compte que j'étais devenu, et que je voulais, et que mon destin serait un destin de l'image, absolument par l'image. Alors évidemment, quand on est jeune et passionné, on devient pratiquement hystérique de ce qui vous a passionné. Et alors les fiches techniques de films américains et autres, même les nanars les plus épouvantables, c'était le duel, on allait jusqu'au 17e, 18e assistant. Bon, et aussi c'était une forme de réaction. Et ça, je tiens à le dire, je le dis souvent, ma génération, et ça fait du monde quand même quelque part, était passionnée de cinéma américain, de cinéma fantastique et autres, et nous avons eu droit à La Nouvelle Vague et à Jean-Luc Godard, qui n'était pas du tout dans nos... Et je dois dire qu'on nous a, pour parler vulgairement, emmerdés pendant 20 ans avec cette bande d'abrutis qui avait simplement trouvé... J'ai jamais compris l'obsession de Godard, c'est la même. Même en France, vous avez remarqué, dans toutes les radios dites cérébrées, dont vous faites partie, on parle de Proust tous les jours. C'est au stade névrotique, il y a un problème là. Et je ne parle pas de Madame Bovary qui va de pair avec Proust. Non mais c'est hallucinant, c'est quelque chose, ce pays est gravement malade. Et on passe à travers d'autres choses. Donc, moi, à part Franju, à part Alain René, qui était un grand, à part Chabrol, que j'ai beaucoup aimé, à part Chris Marker, et j'en oublie certainement d'autres, et Tavernier bien entendu, cela nous convenait très bien, parce que c'était du vrai cinéma, mais il ne fallait pas parler d'autre chose que de nouvelles vagues. Nous étions comme des anarchistes la nuit, vêtus de noir, et on allait aux séances de la cinémathèque en douce, et qu'on nous emmerde pas avec l'autre crétin, qui est loin d'ailleurs d'être un crétin, mais dont je déteste profondément cette fausse légende fabriquée par une bande d'intello de cinéma. Et c'est le problème des critiques aussi, qui selon eux, font et défont l'œuvre de quelqu'un. Et justement, Philippe Brouillet, vous n'avez jamais été tenté, parce que vous dites aussi, pour moi, une page de BD, c'est un écran de cinéma, vous n'avez jamais été tenté d'aller jusqu'au bout, de passer derrière la caméra, de prendre une caméra et de faire ces films Z? J'ai fait quelques petites choses importantes quand même. Le clip de William Scheller à l'époque, j'ai réalisé... Mais ça, c'était un peu plus tard. Au début, oui, là, je parlais plutôt du tout début. J'ai toujours flirté avec le cinéma, mais il y a toujours eu des problèmes. Beaucoup de producteurs dans ma vie se sont intéressés à moi, et je vais vous dire d'une façon très brutale, ont utilisé mon nom pour piquer le fric du CNC. Je parle de la France, hein, ok? Et quand le fric du CNC était intéressé par le travail de M. Drouillet, travaillant avec un bon producteur ou un co-réalisateur, comme par hasard, il partait avec la caisse. Alors évidemment, j'ai pas pu de ce côté-là aller très très loin, mais sur le plan, comment dire, de l'image de synthèse, les séries de télévision et compagnie, je dois dire que là, j'ai beaucoup donné, et j'ai travaillé pour la Géode, bien entendu, et bon, tout ça, j'ai quand même touché à la caméra, et je suis un des premiers, d'ailleurs, à l'époque, à avoir, quand j'ai mis l'œil sur l'œil ton caméra, j'ai dit, mais on voit rien dans ce truc. Ce qu'il faut, c'est un moniteur à côté. Comme ça, on a l'image, on le cadre, ça venait de la bande dessinée. Et on était très peu à l'époque à le faire, dans les années 80, 90, et maintenant c'est devenu, comment dire, évident. Alors, donc, il y a le cinéma, d'une part, si on va puiser un peu dans les sources d'inspiration, l'autre c'est évidemment la littérature avec Lovecraft au début, mais vous parlez évidemment aussi de Moorcock, Salammbô, on y reviendra, L'Enfer de Dante qui est un projet dont on pourra reparler aussi, mais moi ce qui m'intéresse c'est qu'il y a un auteur de science-fiction française qui n'a pas à mon avis la postérité qu'il devrait avoir et que vous citez, c'est Stéphane Vull. Oui, effectivement, nous sommes très peu nombreux. Stéphane Vull, de son vrai nom Pierre Perrault, dentiste à Passy-sur-Eure, a travaillé dans cette collection dans les années 50. C'est ma prime jeunesse. Hein. Et Fleuve Noir, ouais. Collection Anticipation. Et il a écrit 7 romans. Et à l'époque, Fleuve Noir était une industrie de littérature policière, aventure, fantastique, angoisse et science-fiction. Et c'était l'époque où fallait abattre du texte comme une bête. Et ils ont engagé notre fameux Stéphane Vull pour écrire des bouquins policiers. Et ils sont aperçus un peu comme Lovecraft, avec qui on avait demandé de faire des westerns, que la personne n'allait pas du tout, qui avait un léger décalage. Et ce qui est très étonnant, il le disait lui-même, il travaillait pour nourrir sa famille avec un métronome. Okay, il fallait qu'il y ait une ligne pendue à un métronome. Alors il a repris ses scénarios de romans policiers pour en construire des films de science-fiction. Et il est arrivé à un niveau, là nous sommes dans le domaine de l'inconnu, ou de l'homme visité, de l'homme pénétré par quelque chose qu'il ne maîtrise pas tout en le maîtrisant, c'est-à-dire qu'il a écrit les 7 bouquins les plus fabuleux de science-fiction. Bon, il y a eu René Barjavel, il y a eu Jean Rey, il y en a eu beaucoup en France aussi, ok, Gérard Klein, beaucoup, ça on va pas les citer, il y en a pour 3 heures, avec tout le respect que je leur dois, mais Stéphane Vull, c'est un miracle. Alors par contre, le mauvais côté du miracle, c'est que le bon côté d'abord, c'est que c'était un succès, ensuite Gérard Klein décide dans les années 70 de le rééditer chez, je crois, De Noël, je crois, je ne sais plus, dans la collection. Chez Robert Laffont, non ? Laffont, je crois. Ouais. La couverture métallisée. Ouais. Et on sort Monsieur Pierre Perrault de son cabinet de dentiste de Passy-sur-Eure et on le projette dans les grands médias, télévision et cinéma. Or, inconsciemment, incroyablement, il n'avait strictement rien à dire sur ses bouquins, sur son œuvre, pardon. Et je me rappelle très bien, parce que je connaissais très bien José Arthur, qu'il a été chez José Arthur un jour, et on lui a dit, mais la science-fiction, le futur, le monde futur, pour vous, c'est quoi? Et il a répondu, après un long silence, pour moi, c'est comme la défense des grandes tours. Alors inutile, José qui avait de l'humour a dit oui, mais encore, et nous n'avons pas quitté la défense. Donc la maison Laffont l'a rangé vite fait dans son cabinet de dentiste, et on n'en a plus parlé. Qu'est-ce qui, dans la science-fiction, d'un seul coup, déclenche quelque chose chez le jeune Philippe Drouillet? Pourquoi est-ce que ces imaginaires du futur, de l'ailleurs, de l'espace, résonnent en vous particulièrement? Il y a plusieurs choses, si je perds le fil, vous me débrouillerez. D'une part, il y a le fantastique et la science-fiction. Alors, le fantastique, c'est le problème intérieur, Edgar Poe, tout ça, Henry James, tout ce qu'on peut imaginer. Et la science-fiction, c'est l'histoire des sociétés. Bon, et en plus, moi, comme tous les amateurs de ce genre de choses, il n'y a pas de hasard dans une vie, il y a des rencontres, Mektoub, c'est écrit, on n'y échappe pas. je suis jeune en Espagne, comment dire, en Catalogne. Mon premier film, c'est le Fritz Lang, le tombeau hindou, version noir et blanc. Ensuite, c'est le Hamlet de Laurence Olivier, en noir et blanc. Et je suis ébloui par la notion d'image. Ensuite, on m'amène devant la Sagrada Familia. Donc, quand on est perceptif, réceptif à ce genre de choses, il y a un mécanisme qui se met en place, qu'on en croit qu'on contrôle, mais qu'en vérité on ne contrôle absolument pas, et toute cette accumulation, et par exemple Stéphane Bull à une époque, Catherine Moore, d'où vient le personnage de Lon Sloane, toute cette littérature, chaque pavé, je construis ma route, je construis ma cathédrale, et ça va du 19e siècle de Jules Verne, tous les auteurs de l'époque, et y compris aussi les classiques. J'ai commencé par Harbour de Huysmans, comme des Saintes, là-bas, tout ça. Ce sont des choses folles que je ne connaissais pas, parce que fils de concierge, totalement, famille totalement inculte, c'était quand même fou que j'aille aux puces, et d'une façon totalement inconsciente, que j'aille acheter un 33 tours pour monter Paz, et je prenais Boris Godounov, auquel je ne comprenais strictement rien, mais quelque chose me fascinait là-dedans. Et après je tombe sur Apollinaire, je tombe sur Rimbaud, je tombe sur tous ces gens. Donc c'est tous ces accidents qui construisent une route, et j'ai envie de créer mon propre univers. Et je me rends compte, inspiré par Lovecraft, comme l'a très bien dit Houellebecq, c'est à 16 ans qu'on lit Lovecraft, et c'est tout à fait le cas, et on le relit après, quelques années après, on s'en sépare jamais, et j'étais totalement touché par cela, profondément, mais à un moment donné, quand on est dans le bain, quand on est en pleine création, on ne sait plus du tout si c'est vous ou si c'est quelqu'un qui vous chuchote à l'oreille. Et je sais pas, j'avais toujours eu une technique de travail, monde profane et monde sacré. Donc faire la fête avec les copains, boire des coups, bien manger, s'envoyer en l'air, tout ça, la vie. Mais tout d'un coup, à telle heure, et surtout la nuit, tout d'un coup, j'ouvrais une autre porte et tout s'arrêtait et je rentrais là-dedans. Et surtout, dans mon univers, je ne pouvais pas me permettre de faire que du fantastique. Il me fallait, j'ai compris très vite qu'il me fallait un élément humain, un personnage qui nous identifie tous. Parce que si je n'avais parlé que d'extraterrestres ou de tout ce que j'ai imaginé, c'était foutu. Donc Sloane est né comme ça. Alors ceci étant donné les événements, et je ne suis pas le seul dans le même cas, je dois dire que peut-être, moi comme tous les écrivains de science-fiction, on aurait peut-être mieux fait de faire Fripounet, Marisette ou Bécassine, parce que franchement, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui et les nouvelles technologies, dans ce monde d'aujourd'hui, tout a été créé par les plus grands écrivains de science-fiction américains, Philip K. Dick, Thomas Dish, John Brunner, et j'en passe, et même Bradbury, qui raconte des choses sur la publicité et autres. Et tout ça est arrivé, et nous, gens de bande dessinée, nous nous sommes inspirés de ces romans, et de ces romans, nous allons faire des BD, donc des images dont le cinéma contemporain s'est inspiré. Donc voilà, donc moi je suis tombé, à chaque fois j'ai eu droit à un passeur, soit un être humain. Si j'existe, c'est grâce à René Goscinny. C'est lui qui m'a donné la chance de ma vie. Le fait que nous parlions ensemble, c'est lui, c'est formidable. Bon, bref. Et puis, j'en ai rencontré beaucoup d'autres. Jean Boulet, Claude Moliterni, bon, bref. Donc, tout ça conduit une vie, conduit une construction, un travail, quoi, jusqu'au bout. Aujourd'hui, Philippe Druillet, si on vous qualifie de pape de la BD de science-fiction, ça vous va, pape, ou c'est un peu non, trop pas ronflant? Du tout, non, pas vraiment. Pas vraiment. C'est pas tellement votre genre de beauté? Non, c'est pas mon genre, je porte mal la mitre, donc je suis navré. Il y a ces mots de Dionnet à votre égard que je trouve assez juste. Sa vision du monde chaotique, misanthropique, ornementée à l'extrême, incroyablement abîmée, résiste à toutes les récupérations et autres pièges artistiques ou stylistiques. C'est ça la marque d'un grand artiste. Oui, Jean-Pierre est un très bon ami, je le remercie. Mais bon, il avait une vision. Il a surtout dit de moi un truc formidable que j'ai toujours aimé, l'enlumineur paranoïaque. Ça me va très très bien. Enlumineur paranoïaque, alors paranoïaque, je vous laisserai le commenter, mais enlumineur, c'est vrai que... Comment est-ce que vous décriez votre propre style? Est-ce que c'est un style qui est rempli de détails, où vous travaillez, vous l'avez dit, et on le voit ici autour de nous, sur d'assez grands formats? Comment est-ce que vous dites aussi par ailleurs que vous travaillez sans storyboard, c'est-à-dire que c'est quoi? C'est une image mentale que vous imprimez sur du papier comme ça, vous laissez porter. Les storyboards sont... Pardon de vous interrompre. Non, je vous en prie. Les storyboards, c'est surtout par rapport au cinéma. Alors, on est obligé, quand on est réalisateur, le premier film, des films qui m'a marqué le plus profondément, c'était Yvan le Terrible d'Eisenstein, qui est un film d'heroic fantasy. Donc, voilà. Donc, moi, simplement, quand je commençais mes bandes dessinées, je sais que j'avais un rêve dans ma tête, dont je viens de donner les origines, mais je me suis dit, là, je commence un 1er janvier, j'en ai pour 6 mois, peut-être qu'en juin, je penserai à autre chose. Donc ça, c'est simplement un problème de technique, parce que chaque auteur de bande dessinée a la sienne. Tardy, par exemple, lui, quand il commençait un album, il faisait le découpage de la page 1 à la page 60. Moi, pas. Je me suis dit, peut-être en mai ou en juin, je vais aller ailleurs. Donc j'avais une idée de base, et j'avais aussi un côté, je travaillais en architecture pour Benjamin Rothschild, justement, et j'avais ce travail d'une vision générale. Et je faisais tous mes croquis, sont des croquis qui sont faits sur des feuilles 21-27, papier machine ou papier maintenant imprimante et tout. Et le croquis était trouver la structure de la page. Souvent la nuit aussi, sommeil fragmenté, je dors toujours avec un carnet à côté de moi. Et beaucoup de mes idées, surtout dans le mobilier, sont venues de ça. Mais la liberté, la notion de liberté, les gens comme Gottlieb ou toute l'école française ou franco-belge dont j'ai parlé avant, sont arrivés avant moi, 15 ans, les Fred, même Jean-Claude Forest, qui était mon meilleur ami et un homme que j'ai toujours aimé et que j'aimerais toujours, ils ont eu 15 ans d'abattage. C'était, la bande dessinée était méprisée, et il fallait produire par semaine. Moi, je voulais la liberté d'expression, la liberté de création et la liberté de discours graphique par rapport à un album. Et donc, j'avais mon petit crobar où j'avais trouvé l'idée, et c'est sur la planche elle-même que je construisais la mise en place, la déco et le scénario, bien entendu, en respectant, entre guillemets, ma pensée du moment, quoi. Donc voilà, quoi. Mais ça veut dire que vous visualisez les images, que vous avez vraiment des images mentales que vous représentez, ou que vous vous laissez guider un peu par le pinceau, là, par y a le deux crayon choses. C'est une question éminemment perverse, ça ne m'étonne pas de vous. C'est un peu des deux, mon général. C'est que d'abord, j'ai l'idée complètement folle. L'idée de base, elle est solide, elle vient du fantasme personnel de M. Drudru. Et puis tout d'un coup, parfois, quand la main, comme un pianiste, quand la main s'envole sur la page, bon, j'ai la période crayonnée d'abord et ensuite le pinceau ou l'encre de Chine. Et en définitive, la vérité finale se passe par l'encre de Chine ou le pinceau, c'est-à-dire le définitif. La couleur était autre chose, je faisais des peintures déjà à l'époque, la couleur directe, donc voilà. Mais la forme pouvait changer, mais l'essentiel de l'idée, du récit et de la mise en page, lui, était déjà décidé. Le motif géométrique, il est là dès le début, dès vos premiers traits, ou est-ce que c'est quelque chose qui vient au fur et à mesure ? Il y a une obsession très étrange, j'ai traduit d'une manière différente après, mais les triangles, les cercles, c'est l'architecture, il y a l'architecture euclidienne et non euclidienne. Bon, Lovecraft était la non euclidienne, bien entendu, mais moi j'ai souvent dessiné avec la règle, et même avec la règle j'avais la liberté, et puis des fois je dessinais directement à la main avec le pinceau ou la plume et tout, mais c'est une structure, ce sont des structures, alors que j'ai horreur des mathématiques, et que la perspective, je l'ai découverte parce que j'ai pas fait d'école, étant sorti du peuple et n'ayant pas un rond, je pouvais pas aller en académie. Je me suis fait jeter de l'école Boulle, et je me suis fait jeter, mais à coup de pompe dans le cul, de l'école Estienne. Parce qu'il y a 5 ans, 6 ans, ils ont fait une grande exposition de Drouillet à l'école Estienne, et ils m'ont remis la médaille C'était quand même fabuleux. Et je les ai remerciés et j'ai fait un bon discours en disant « Ici même, il y a de nombreuses années, je suis sorti par la porte du fond, là-bas, en me disant « Monsieur, je vous en prie, changez de métier. » Donc voilà, et tout le monde a applaudi parce que on était amis et ils m'ont fait une expo formidable. Bon, ça, c'est pas la revanche, j'aime pas ce terme, mais c'est une continuité et une reconnaissance. Vous parliez tout à l'heure, Philippe Druillet, de ce que vous lisiez, c'est-à-dire de la BD franco-belge comme inspiration. Il y a une autre BD qu'on vous a mis entre les mains. Je crois que c'est une voisine qui vous amène au journal Robinson. Donc ça, c'est... Donc j'étais lecteur, donc, gamin, de Tintin, normal. Puis des revues Artima, Météor, tout ça. Il y avait déjà un peu. Mais j'aimais ça pour la lecture et autres, mais j'avais pas reçu le déclic d'une possibilité d'explosion. Et puis, une dame qui habitait au rez-de-chaussée de cet immeuble à l'avenue Dello a dit « Tiens, votre fils lit de la bande dessinée. Mais j'ai peut-être quelque chose qui peut lui plaire. Ça vient de mon grand-père. Vous savez, c'est des bandes dessinées très anciennes, mais je les ai gardées. Surtout qu'il fasse attention et qu'il les garde, parce que j'en ai un grand souvenir. » Et elle m'amène deux albums en reliure amateur, comme on dit. Bon, alors je pousse grand format, je regarde ça, j'ouvre et je tombe sur Robinson. Donc je tombe sur Guy Leclerc, Flash Gordon, je tombe sur Mandrake le magicien, je tombe sur Popeye aussi dans un autre domaine que Forrest était fasciné par Cédar, merveilleux dessinateur, Luc Bradfer. Tout d'un coup, il y a comme un déchirement. Et je ne sais pas comment l'expliquer, parce que c'est vraiment une explosion. C'est à ce moment-là que je décide, et j'ai tous 13 ans, 14 ans à peine. Alors je sais que je ne peux pas encore dessiner, j'ai fait des cow-boys et des indiens comme tout le monde. Mais ça s'arrête très très vite, et là je découvre un avenir, c'est mon tour de rentrer dans ce domaine et de révéler quelque chose. Mais c'est un éblouissement. C'est digne même de... Je ne sais pas comment sont les jeunes aujourd'hui qui ont avalé des tonnes et des tonnes d'images, ce qui est très bien. D'ailleurs, mais nous, à l'époque, on est presque encore au Moyen-Âge. Et là, c'est comme si j'avais reçu, un immeuble sur la tête. Quoi. Et c'est quoi la différence, justement? Pourquoi est-ce que ça vous marque à ce point-là, en fait? Parce que c'est un univers que... Il n'y a que Jacobs qui a continué après-guerre, Éclair, le rayon U, comme il pouvait, mais c'était pas ça. Avec Blake et Mortimer. C'était pas tout à fait Blake et Mortimer. C'était un bouquin qui reprenait Flash Gordon, si mes souvenirs sont bons. Et j'adore Blake et Mortimer, c'est fabuleux, enfin c'est extraordinaire. Bazam Damdu, c'est l'Espadon, nous l'avons actuellement en Ukraine. Hein. Bon, très bien. Merci du cadeau. Simplement, c'était une révélation graphique avec une profondeur que j'ai cru comprendre et une porte ouverte vers quelque chose de différent. Donc j'avais une base là et je me suis dit, mais cette base, on peut l'ouvrir différemment. Pourquoi aligner des cases une par une? Une page n'est jamais qu'un morceau d'univers et mon univers continue en dehors de la page. C'est comme si je cadrais en caméra un décor, mais en vérité, ce décor continue. Et ces bandes dessinées américaines, avec cette liberté, avec cette sensualité, parce qu'on les censurait, Camille, la version française de l'héroïne de Flash Gordon, il n'y avait pas de traces de soutien-gorge, pas de sein, tout était recouvert, bien sûr, pour pas perturber cette belle jeunesse qui a découvert que les femmes avaient du poil quand lui est sorti, si mes souvenirs sont bons. Bon, on ne savait pas. Les garçons ont toujours été beaucoup plus couillons que les femmes dans ce domaine, même encore aujourd'hui. Riyad Sattouf, elle a très bien parlé d'ailleurs. Riyad, que j'adore au passage, salut mon garçon. Bref. Donc voilà, c'était un déclic, mais j'ai pris un choc visuel dans la figure, et ce choc visuel était en complémentarité totale avec tous ceux que j'avais déjà reçus, cinématographiques et graphiques, donc architecturaux. Donc il n'y avait plus qu'une chose à faire, il fallait que j'y aille, quoi. Alors j'y suis allé, mais avec un refus total. Et c'est grâce à René Goscinny ensuite qu'il m'a dit, bon, écoutez, allons-y. René Goscinny, que j'avais vu bien avant d'ailleurs, que j'avais vu en 64, Oui. parce que j'avais un culot absolument monstrueux. J'y allais carrément, j'ai travaillé pour Planète aussi à l'époque et tout. C'était, ça commençait, la révolution culturelle française, sur le plan graphique et mental, on commençait à sortir un peu de Madame Bovary et de Proust. Mais il y avait le démarrage de quelque chose. Quelque chose était en train de naître, et cet événement de la bande dessinée était identique à ceux de la musique pop mondiale. Ça a été la même génération, la même chose. Les Stones, les Doors, les Doors, ouais, vous citez tout ça, je suis très proche des Doors, c'est très Doors. Ouais. Tout ça était lié ensemble. Ça faisait partie du même univers. Une génération prenait le pouvoir. Voilà. Oui, parce que Goscinny, votre rencontre officielle, entre guillemets, c'est 69, lorsque vous lui proposez les planches d'Iragaël pour Pilote. Oui. Mais vous dites que vous l'avez rencontré plus tôt. Sloane, je démarre par Sloane. Sloane. Les Six Voyages. D'accord, parce que en 66, vous publiez Le Mystère des Abîmes. Oui, chez Hirschfeld. Oui. Donc c'est l'apparition de Sloane. Tout à fait, tout à fait. Alors je dis toujours, c'est mon Tintin au pays des soviets. Hein. Ça. C'est pourquoi? Parce que le lien est assez distendu quand on a lu les deux. Oui, parce que je commence à dessiner, donc je suis pas encore. Et en même temps, pendant que je fais ce livre, où je commence à réaliser ce que va être le futur, en plein milieu du bouquin, j'avais travaillé en petit format et je me rends compte que ça ne va pas. Et déjà, j'attaque une adaptation d'Éric le Nécromancien de Michael oui. Moorcock, fabuleux personnage, musicien, écrivain, poète, philosophe, une grande figure anglaise. Et en plein milieu du bouquin de Losfeld, je me dis, mais ça va pas. Et je rencontre, par Michel Demuth et d'autres gens, Maxime Jakubowski, on me fait la lecture, je parle pas anglais parce que j'ai pas fait d'études, et ils me lisent l'épopée, comment dire, d'Éric le Nécromancien, et tout ça, et je découvre l'héroïque fantasy. Et déjà, n'ayant pas fini le bouquin de Losfeld, je suis déjà parti ailleurs. Et en parallèle, je travaille déjà sur Les Grands Aigles, avec Michel Demuth d'ailleurs, grand historien et écrivain de science-fiction. Et là, la bascule, c'est-à-dire quand le bouquin sort, à la limite, c'est pas moi. Je suis déjà passé à autre chose. Mais il vaut bien que je le termine, bien entendu. Et là, je me prends une dégelée de bois vert, mais gravissime, des critiques monstrueuses. Quelle horreur, quelle laideur. Sloane, je le dis souvent, il y avait un critique qui s'appelait Hubert Join, qui fait jamais... En définitive, ce personnage n'est jamais qu'un gardien de vache perdu dans l'univers. Et là, je me suis dit, toi, mon coco, tu viens de me rendre un grand service. Tu vas voir où je vais te le mettre, le gardien de vache. Et plus on m'insultait, plus ça me donnait de la force. Parce que j'avais une atroce et égoïste ou folie inconsciente, comment dire, confiance dans ce que je voulais dire. Mon cerveau était plus en avance à l'époque que ma main. Mais je savais déjà. Et je l'ai prouvé par la suite, quoi. Donc voilà, quoi. Il sort d'où? C'est quoi? C'est la compilation de quoi? C'est l'agrégation de quoi, ce Lone Sloane, finalement? En cherchant le personnage d'origine, j'avais une référence qui était un bouquin de Catherine Moore qui s'appelle Chamblot, qui est sorti dans les années 40. Parce que même les années 40, la science-fiction américaine, déjà, est extrêmement avancée. Et ce personnage correspond quelque part à moi. Au mien, je me dis, tiens, personnage solitaire, quelqu'un d'anarchiste, quelqu'un d'indépendant, quelqu'un d'à moitié fou, quelque part aussi. Et bon, les choses évoluant technologiquement, entièrement refait, pratiquement, et sa durée de vie étant de 300 ans. Et je pars de cette base-là, et je la développe, effectivement, avec le temps. Et il devient Sloane. J'avais mis Lone Sloane au souvenir de l'Utiluc, on est bien loin de l'univers. Et à la fin, moi, c'est plutôt Sloane, Lone, je m'en fous un peu. Mais donc voilà, ça s'est construit comme ça. Et j'étais frappé par ce personnage, ce qui veut dire, je le répète, que on transmet. Il y a des gens qui font actuellement, j'ai confié mon personnage à Dimitri Avramoglou, qui est sorti chez Glénat, et c'est lui qui s'en occupe maintenant remarquablement bien, Et j'ai été, moi, influencé par les Gustave Doré. Tout à l'heure, on parlait de la minutie, de ma recherche de détails. C'est du Rodolphe Brédin, c'est du Gustave Doré. On m'a demandé un jour de faire la Bible. J'ai dit, je peux pas. Doré l'a fait, personne n'ira au-dessus. C'est pas la peine, là, je vais jouer. Vous dites d'ailleurs que c'était le contrat le plus juteux de votre carrière. Oui, c'est vrai. C'est vrai. On m'a proposé une somme astronomique. C'est le consistoire juif de France qui m'a dit, il n'y a que toi qui peux faire ça. Alors, j'aurais dit, écoutez, moi, je veux bien, mais... Comment on, d'abord, on n'a pas de documents, on ne sait pas. Et ils m'ont dit, mais fais comme tu as fait pour Carthage, parce que déjà, j'étais sur Salambo. Tu inventes, ce qui compte, c'est le fond des choses. Quoi. Et je ne l'ai pas fait, parce que je me suis rendu compte que si je voulais être à la hauteur de ces textes des religions écrites, j'en avais pour 5 ou 6 ans ou 7 ans. Et je me suis dit, je ne peux pas. Le morceau était trop énorme. Donc voilà. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Je me suis posé la question. Ce Lon Slone, vous aviez lu Jerry Cornelius ou pas encore? Non, pas encore. Parce que je me suis dit, finalement, Lon Slone, Jerry Cornelius, enfin, Jerry Cornelius qui a été illustré par Moebius. Oui, bien sûr, et remarquablement. Remarquablement. Je me suis dit, finalement, il pourrait y avoir presque une sorte de parallélisme dans ce héros récurrent. Oui, non, moi c'est plutôt le côté... Gruber, enfin. C'est plutôt quand même le côté Lovecraftien. Oui. Ne pas l'oublier, la base, et y compris dans Iragaël, parce qu'il y a des images dans Iragaël... absolument incroyable, qui quelque part, on ne sait pas d'où ça sort. Des fois, ça me fait peur. D'ailleurs, je suis un peu... Je dis, mais c'est pas possible, c'est toi qui as fait ça, mais t'es complètement givré, mon pauvre garçon. Enfin, bref. Mais bon, puisqu'ils en veulent, tant mieux. Sinon, je vais être un mendier dans les rues, là, avec une pile d'albums et un pantalon troué. 2 euros pour l'album, s'il vous plaît. J'étais connu dans les années 70. Mais quelle horreur! Mais c'est surtout le côté Lovecraftien, le côté cosmique et autres. Oui. Mais il a plusieurs visages, Sloane, parce qu'il s'est battu pour des causes précises et autres. Et il y a ce hiatus d'un film qu'on avait construit, un autre auteur, Benjamin Legrand, c'est qu'il est, et ça c'est avant Star Wars, il est, il y a le fameux méchant, l'impérator, et l'impérator, dans la philosophie de notre ami Sloane, dans le drame qu'il vit, c'est lui plus vieux de 300 ans. Et donc on est dans le spatio-temporel, dans l'intemporalité, donc ok. Et il ne veut surtout pas finir comme ça. Et donc tout son combat, c'est contre lui-même. C'est quelque chose, je crois, que nous connaissons tous un petit peu, même quand on va faire nos courses au supermarché, n'est-ce pas? Quand je m'enferme pour travailler, je me dis, je ne suis pas le patron, qui me dit de faire ça? Je ne sais pas qui dirige ma main, c'est toujours dans le cerveau que ça se passe. Et c'est toujours dans le cerveau, mais ensuite, j'ai créé par exemple le personnage de Lon Slone. Je sais qui il est, mais je ne sais pas qui c'est. Non, Philippe Dourrier. Je ne sais pas qui c'est. Je ne sais absolument pas qui c'est. Il est capable de tout, c'est certain. Je me retrouve un peu chez lui, mais ça c'est un grand classique en littérature, en théâtre. Je l'ai lu des dizaines de fois. Un auteur, une autrice, crée un personnage, et à ce moment-là, c'est un classique achevé. Personnage vous échappe. Et là, on n'est plus du tout, on se rend compte qu'on a construit un individu qui a un mode de fonctionnement, et même dans l'écriture, parce que j'ai écrit beaucoup de scénarios, on sait qu'il y a certaines choses qu'il ne peut pas dire. Ça ne correspond pas à ce qu'il est. Et là, on est prisonnier. Alors, merveilleusement prisonnier, mais on se dit, mais attends, qu'est-ce que j'ai fait là? Qui, je le répète, c'est une phrase lovecraftienne, qui chuchote à mes oreilles, qui conduit ma folie, quoi, je ne comprends pas. Alors, ça reste une part de mystère, y compris, mais je crois que cette part de mystère existe aussi dans la peinture. Parce que parfois, on prend un thème, même si c'est un paysage, on ajoute, on dit tonalité de couleur, il y a ce mélange de professionnalisme et ce mélange d'inconscient. Et lequel des deux gagne à la fin? Un coup sur deux, c'est l'inconscient, l'autre fois, c'est le professionnalisme, ce qui se voit d'ailleurs très très souvent. Moi, j'ai une passion pour les symbolistes, pour les pré-raphaélites, pour tout le 19e, mais j'ai surtout une passion incroyable pour le Gréco, pour, comment dire, le Caravage, pour Goya, pour Soutine et Francis Bacon. Parce que ces cinq-là on fait quelque chose, ou alors comme les Spilert, les gens d'expressionnisme, de la peinture, comment dire, allemande, d'avant la guerre, ou d'entre les deux guerres, ils ont été des insoumis en peinture, des insoumis, des violents, et ils font exploser les choses. Quand on voit les peintures du Gréco, on se demande comment les princes royaux et les autres pouvaient acheter ça et demander même qu'on les représente. C'est vu d'une manière complètement folle. C'est hallucinant. Soutine, l'obsession du sang et le Caravage avec sa boîte à lumière. J'ai pas très bien compris le truc. Faudra qu'on me l'explique vraiment, parce que j'ai compris, j'ai fait un paysage ou deux dans ma vie, et j'ai eu une envie, parfois j'ai eu une envie furieuse de peindre des fleurs. Alors ça, je me dis, oula, t'es en train de dériver, fais attention. Mais c'est, la lumière change toutes les 4 minutes. Alors comment peut-on accéder? Bon, ça je sais pas, c'était son truc. Mais il y a quelque chose d'incroyable, et c'est presque pas loin de l'anamorphose, déformation et autres, une notion de violence et de liberté réunit ces 5 bombes atomiques sur le plan pictural. C'est fabuleux, absolument fabuleux. En tout cas pour moi. Donc il y a cette fameuse rencontre avec Goscinny dont vous dites, c'est à Goscinny que je dois ma vie de travail et mon existence encore aujourd'hui. Bien sûr. Ça n'a pas bougé? Non. Et il est mort un an après la mort de ma première épouse. Et c'était quelqu'un d'incroyable parce que il ne sait pas, il n'était pas idiot, oh là là, loin de ça. Mais il avait aussi vécu très durement, ok, y compris dans la profession et compagnie. Astérix n'a été qu'un succès qu'au bout de 3 ans, 4 ans. Après, ça a été l'envolée et c'était absolument mérité. J'étais un fan d'ailleurs, moi-même, je les ai tous. Donc, ok, Uderzo, c'est un gigantesque dessinateur. Donc voilà. Mais il avait ce talent que Jean-Pierre Dionnet a eu pour Métal Hurlant. C'est-à-dire, j'ai des choses qui sont très lointaines de moi, mais je sens une certaine qualité. Elle est loin de ce que je suis, de ce que je pense ou de ce que je crée. Mais à mon avis, c'est quand même, ça vaut la peine d'être publié. Et d'ailleurs, Jean-Pierre, que j'ai fait rentrer à Pilote à mon tour, l'a compris chez Goscinny. Et René était comme ça. Mais par contre, il y avait quand même, à l'époque, une grande trouille. Parce que je venais avec mes grands aigles, personne ne travaillait comme ça. Il n'y avait que Paul Gillon et Jean-Claude Forest. Il travaillait en grand format. Et Poivet, Raymond Poivet, aussi que j'ai fréquenté, qui était un homme formidable. Et au début, ça a été... ils ont mis du temps à... Et à l'époque, il n'y avait pas l'ordinateur, il n'y avait pas les réseaux sociaux, pas tout ça. Et le premier, j'étais mort de trouille, le premier sort... Et là, c'est l'avalanche de courriers, mais le délire complet, c'est la folie furieuse, quoi. Alors là, je me dis, si, c'est gagné, et j'avais déjà 2 histoires derrière, toutes prêtes, que j'étais prêt, parce que j'étais un hystérique complet, et René me disait, attendez, parce que il avait quand même, c'était son journal, et pas une peur, mais il voulait être sûr qu'il avait raison, mais il prenait quand même les précautions. Ce qui est tout à fait normal. Et après, il m'a dit, allez-y, il n'y a pas de problème. Alors je me suis juste fait piéger pour à l'époque de Delirious, parce que c'était donc la première histoire, les premières sont des séries de 8 pages, 6 épisodes, et Delirious, ça sort hebdomadaire, quoi. Et avec le travail que je fais, au bout de 6 mois, je suis rattrapé. Donc là, les 25 dernières pages de dernier Delirious, j'ai dû les faire en 25 jours ou en 26 jours, sans dormir. Alors je devenais fou. À la fin, je devenais fou. C'était complètement... Alors, j'étais déjà fou de naissance et de boulot. C'était pas la peine d'en rajouter une couche. Et ensuite, quand j'attaque Iragaël, et tout, je lui dis, écoutez, René, est-ce que vous m'autorisez de livrer par 8 ou par 10, mais pas la suite, comme vous savez, c'est trop difficile. Il m'a dit, il n'y a aucun problème, quoi. Mmh. On était à New York, j'avais amené des mises en couleur que je faisais à l'hôtel avant d'aller signer dans les conventions et de me bourrer la gueule le soir avec les potes. Donc c'était... j'étais jeune et fou, quoi. Regardons le terme fou. Il paraît qu'en 69, vous croisez Giger. Ouais. Je l'ai connu, tu foilier lui aussi. Alors le problème de Giger, c'est en dehors du génie du bonhomme, c'est que c'est tellement parfait dans l'aérographe qu'on n'arrive pas à faire la différence entre une reproduction très belle et l'original. Ça, c'est le problème. Il m'a fait un immense complément. Il m'a dit, quand j'ai lu Les Six Voyages, Les Îles du Vent Sauvage, le deuxième épisode, j'ai vu la grotte que tu as faite avec une forme de, comment dire, de d'ossement comme un truc. Et vous savez d'où ça vient? On revient sur, comment dire, Stéphane Wühl, le temple du passé. Et la couverture est un squelette de dinosaure comme un temple. Ça m'a impressionné que je l'ai repris dans la BD et que Giger l'a repris ensuite à sa manière, mille fois mieux. Vous voyez la transmission? C'est quand même étonnant. Alors il me dit ça, je dis, tu te fous de ma gueule, t'as pas besoin de moi pour bosser. Il dit, non, c'est vrai, c'est vrai. Et après, nous nous sommes rencontrés souvent. Puis alors, il allait pas mal sur la cam, moi aussi d'ailleurs, mais alors lui, il se l'a fabriqué lui-même. Alors je sais pas ce qu'il prenait, mais comment dire, le Berlin l'enchanteur à côté, c'est un amateur. Et donc, il a fini par y rester, le malheureux. Quoi. Donc, comme ça arrive à beaucoup, beaucoup d'artistes. Je me suis un peu calmé là-dessus, quoi. Donc voilà quoi. Et puis 74, les humanoïdes associés, métal hurlant. C'est vraiment, on a fait d'ailleurs il y a pas très longtemps une émission sur métal hurlant à l'occasion de la ressortie, mais pour parler de l'époque de la création, métal hurlant. Vous avez conscience que vous faites tourner une page immense à la bande dessinée française, que vous créez un imaginaire et qui est aujourd'hui encore et à l'incompréhension générale et individuelle, parce que personnellement je ne comprends pas comment Metal Hurlant n'est pas autant exploité, comment cet imaginaire de science-fiction, je dirais, punk, à ce point-là, j'ajouterais que ou laissé de côté. Je ne dirais pas moi, je dirais nous. Oui, avec Dionel, nous. Bien sûr. Nous, et puis avec les auteurs. Tous les auteurs, ouais. Nous, bien sûr, parce qu'on était très heureux d'être pilote. Pilote est quand même un monument extraordinaire. 64 pages par semaine. Western, humour, science-fiction, tout ce qu'on peut imaginer. Plus, comment dire, actualité et tout. Aujourd'hui, c'est impensable. Et là-dessus, mais il y avait Marcel Gottlieb, avec qui j'étais plus qu'amis, des frères, et tout, qui lui avait une envie folle d'aller plus loin. Et là, René était un peu rigide sur ce côté-là. Mandrika, qui était un des fondateurs de la chose, d'ailleurs le concept Métal Hurlant a été inventé par Mandrika, ne pas l'oublier. Hein. Et à la faillite du diffuseur, nous nous sommes emparés du titre. Et Moebius avait aussi envie de ça. Moi j'avais envie d'aller encore plus loin, si possible encore plus loin. Jean-Pierre Denet était une bombe atomique. Et donc voilà, Farkas, lui, c'était zéro. C'est une erreur, parce que, bon, ça parlons d'autre chose. Et effectivement, Métal Hurlant est arrivé, et Métal Hurlant est devenu un mythe international. Nous sommes devenus, encore aujourd'hui, comme un mouvement dadaïstes, comment dire, le groupe Cobra, les surréalistes et tout ça, un mouvement culturel graphique. Et il y a un heavy metal aux États-Unis depuis des années. C'est incroyable. Et qui continue encore, alors. Et qui continue encore. Et ça a été, on a eu des ventes dans le monde entier. Et c'était incroyable. Une source d'inspiration pour des choses incroyables. Donc, pour Jodorowsky. C'était une folie totale. Alors, il y avait des heurts parce qu'on était complètement à côté de la plaque sur le plan mental, on était jeunes et fous, et des dissensions, comme des groupes de rock. On était vraiment semblables à un groupe de rock, mais on avait la passion. On avait la passion, il y avait la folie. Alors moi, je les ai quittés à un moment donné parce que des choses n'allaient pas. Et après, je suis revenu et je suis reparti comme beaucoup d'autres et tout. Mais Metal, pour moi, reste quelque chose de prodigieux. Et je suis très heureux que ça ressorte aujourd'hui. Parce que nous manquons cruellement de journaux dans la bande dessinée. Et la bande dessinée, on a vendu ça comme le veau d'or. C'est-à-dire, moins de 500 000, ça n'existe pas, vous allez voir. Vous allez tous, alors beaucoup de gens se sont rués dans le monde de la bande dessinée. Et c'est pas ça du tout. Sans journaux, les bouquins coûtent beaucoup plus cher. Et il y a la moitié des gens du métier qui sont au niveau du SMIG. C'est pour ça que chaque fois que j'encontrais des jeunes qui venaient me voir, comme on l'a fait pour moi, je leur disais, vous avez un instrument entre les mains, c'est une passion, c'est la bande dessinée, mais avant tout, vous avez l'art du dessin. Alors cet art-là, moi je l'ai fait parce que j'avais une passion pour un millier de choses, entre la pâte de verre, le bronze, le mobilier, tout ça. J'aurais dit, dispersez-vous, faites de la publicité, faites du dessin animé et tout. Et en même temps, puisque la bande dessinée, vous l'aimez, eh bien, prenez ça comme base première, mais s'il y a un pépin, vous pourrez toujours vous ressourcer sur autre chose et revenir au départ, ensuite, pardon, à la chose de départ. Donc voilà, quoi. Et donc je souhaite bonne chance au nouveau journal, parce que ça va permettre à des gens de créer et de travailler. Mais ça ne peut pas être la même chose. Donc, parce que le monde a changé, et donc voilà, quoi. Puis ça, c'était 74, les humanos et métal. 76, année dure, année noire au double sens du terme, hein, puisque votre épouse succombe à un cancer. Et puis, il y a ce drame qui vous inspire ce que beaucoup considèrent aujourd'hui, peut-être vous y compris, comme votre chef-d'œuvre, La Nuit, que vous appelez un opéra flamboyant et funèbre. Oui, oui, oui. C'est, je suis très étonné parce que je suis allé très loin, j'étais dans un état, il était évident. En plus, c'est un bouquin mnémonique, parce que j'ai pressenti ça dans le livre. C'est arrivé à un moment donné, enclenché dans une page précise. Entre-temps, je rencontre, sans contact physique, mais simplement ma future épouse, que je mets dans l'album, qui s'appelle Anita Jolie-Join, mais sans aucun, je ne l'ai pas draguée ni rien, mais j'ai trouvé tellement belle, alors que j'aimais ma femme, mais je l'ai mise comme personnage. 2 ans après, elle devient mon épouse. C'est quand même fou, quoi. C'est un bouquin de dingue, et surtout ce qui m'a étonné, et c'est ce que je ressens encore aujourd'hui, dans les signatures, quand j'en fais, c'est que je suis pratiquement comme Tintin, de 7 à 77 ans, parce que j'ai des gamins de 18, 20 ans, 25 ans, j'ai tous les âges, et j'ai assisté à des trucs incroyables en signature, pour aller vite, un qui vient avec les 6 voyages, j'étais en 18, 19, avec des piercings partout, et j'ai me dit, c'est nouveau, ça vient de sortir. Tu t'appelles, petit crobard, on se tait, et j'ai eu ça aussi pour La Nuit. J'en ai eu 4 d'un coup, même âge, 18, 20, 21, pour qu'elle date de 76 quand même. Alors le premier je dis rien, le deuxième je dis rien, le troisième je dis rien, mais quand même c'est incroyable. Et le quatrième j'y vais, correspondait complètement au contenu du bouquin. Je lui dis, mais pourquoi tu aimes ce bouquin particulièrement, pas les autres? Et le môme me répond, ça arrache. J'ai dit, bon, très bien, parfait, d'accord, c'est parfait. C'est fabuleux, quoi, c'est extraordinaire. Donc j'ai cette chance de, encore aujourd'hui, on me l'a dit, ce travail est universel. Et donc mes 2 petits best-sellers, c'est La Nuit et Salambo. Et Salambo, quelques années plus tard, en 3 volumes. Pourquoi ouais. C'est rigolo parce qu'on entend bien que vous n'aimez pas beaucoup Madame Bovary. Non. Beaucoup plus Salambo, mais qu'est-ce qui allait vous chercher dans Salambo? Quand on aime Flaubert, on peut aussi, par ailleurs, aimer Madame Bovary sans être dépressif. Moi, ce qui m'a touché le plus, je l'avoue, c'est Un cœur simple, parce que avoir une telle puissance de parce que ça, la plus Salambo, c'est un livre, je l'ai toujours dit, je le répéterai jusqu'à ma mort, c'est un descriptif idéal pour un dessinateur ou un peintre. Ça respire tout. On sent les odeurs, les senteurs, les matières, les trucs, la violence, les sentiments. Mais c'est quelque chose sur le plan créatif. Et la phrase que j'ai mis du temps à comprendre, c'était quand il dit à un moment donné, je souhaite bonne chance aux rapins, puisqu'on appelait les rapins les peintres et les dessinateurs à l'époque, de faire la tronche, enfin il n'a pas dit la tronche, mais de se retaper un personnage comme Amilcar. Et je me suis dit, ben, qu'est-ce qu'il a contre les dessinateurs? Rien du tout. Parce que ce qu'il voulait dire simplement, pour arriver à la hauteur de ce récit, de cette folie, faut avoir un grain de folie et dépasser l'académisme et aller beaucoup plus loin. Et si vous tapez juste au niveau de la partition, vous serez dans l'histoire. Et je collectionne Rochegrosse, il y a des dizaines et des dizaines de peintres qui ont repris. Certains, comme Lebel Rich, ont une catastrophe complète parce que ils avaient la commande de l'éditeur. Mais alors, les scènes de bataille, on mettait le guerrier en premier plan, puis dans le lointain, il y avait une petite foule vaguement dessinée. Moi, dans l'album, je les ai faits, moi, les 15 000 becs qui se tapent dessus, je les ai faits, et je devenais aussi fou qu'eux. Donc, voilà, et là, il y avait un phénomène de mimétisme. J'étais à l'époque à Chelles, après à Colombes, et je dormais pas. Moi, j'avais quelques produits pour tenir, bien entendu, et la picole aussi. Je finissais 7 heures du matin, je me couchais à 7, 8 heures du matin, quoi. Je passais ma nuit avec lui, à tel point que, et ça c'est un grand classique, c'est pas uniquement Monsieur Druyer, c'est quand j'ai eu fini les 3, alors là, problème féminin et merveilleux, décompensation complète, dépression totale. J'avais fait beaucoup de choses entre-temps, hein, mais je reprenais sans cesse. Alors des fois, je m'évadais un mois ou 15 jours, mais j'y revenais. Et quand je faisais semblant de pas travailler sur Salambo, dans ma tête, j'y travaillais quand même. Je prenais des notes. Et quand je l'ai eu terminé, j'en ai pleuré. C'était fini. Ça, c'est fou. Alors, par contre, je me suis dit, là, tu as fait 3, tu aurais pu faire 4. Mais là, je commençais aussi, comme il est dit à lui-même, je patauge dans le sang et tout ça. À un moment donné, on est gavé, et j'ai raté, comme, comment dire, quand le défilé de la hache méritait à lui tout seul 10 pages. Et on voit, et ça, mes copains, comment dire, artistes que j'aime et qui sont pas dupes, et ils t'ont dit là, cette page-là, elle t'intéressait pas beaucoup, hein. Je fais oui, oui, parce que ça se voit au niveau au dessin. Alors, il y a quelques pages, et ça, c'est vrai. Ouais. Moi, je suis un passionné. Alors, quelque chose qui m'emmerde, désolé, dans une radio culturelle comme la vôtre, d'employer des mots d'une vulgarité totale, si j'ose dire. Donc, il y a effectivement quelques pages que j'ai prises, parce que sinon, ça tuait la suite et la continuité du récit. 88 Grand Prix d'Angoulême, 2022. On passe un peu vite, parce qu'on arrive malheureusement dernières minutes. Aujourd'hui, quels sont les projets de Philippe Bruyère ? L'Enfer de Dante, il verra le jour Je ne sais pas. Peut-être. Je n'en sais rien. Parce que je disais hier, c'est étonnant, c'est la première fois que ça m'arrive. J'ai l'album dans la tête entièrement, de la première à la dernière page. Et je fais une transposition, parce que Gustave Doré se l'est faite, alors attention, on ne marche pas dans les chaussures du maître. Et je le transpose dans l'espace. Et je me sers aussi de Sloane comme personnage principal, avec Virgile. Et j'ai la trouille, Sloane en Virgile, pas en... Non, Sloane en tant que Dante. En Dante, d'accord. Dante et Virgile. Et donc, dans l'île des morts que j'ai fait l'intérieur, c'est exactement le début, l'homme qui traverse la forêt, et le bout de la forêt, ben, c'est la partie la plus importante de sa vie, c'est la quête de l'amour rêvé, de l'amour inventé, il y a tout, et toutes les faiblesses et les folies humaines, c'est incroyable, c'est quelque chose sur le plan créatif absolument fabuleux, et j'ai tout ça en tête, à tel point que je deviens égoïste, je me garde la même pour moi, c'est monstrueux. Ça, c'est très vendeur, ça. Vous n'avez qu'à vous brancher sur mon cerveau, vous aurez toutes les images, et j'ai pas envie de le faire. Pour l'instant, je m'en sens pas la force. Le reste, c'est la peinture, des spectacles, des dessins animés, des tas de choses. Et l'exposition à la galerie Barbier à partir de cet avril. J'ai plusieurs des expos avec eux. C'est mon galerie. J'ai deux galeries. Loft à Paris pour les sculptures et Jean-Baptiste Barbier pour peinture et dessin. Donc voilà, le reste c'est ma vie. Je peux mourir demain comme tout le monde. Donc les projets, faut quand même que je me dépêche un petit peu. Je suis très très conscient. Donc voilà quoi. Alors je pense ne pas avoir trop trahi ma pensée de gamin, parce que j'ai toujours gardé ce souvenir d'enfance, parce que j'ai eu beaucoup d'humiliation. Je parle pas ça pour faire pleurer Margot, mais ces humiliations m'ont construit et m'ont donné un système de défense et d'immunité terrifiant, et même aujourd'hui où ça quand même ça débloque un peu sur le plan mondial. Donc voilà. Merci beaucoup Philippe Bruyère d'avoir été avec nous toute cette heure. C'était passionnant de vous écouter et de discuter avec vous. J'espère que tout le monde n'est pas passé sur RTL. Je ne pense pas. Merci infiniment. Merci à vous. Un entretien qui aurait pu durer à peu près le quadruple et que vous pouvez retrouver en intégralité avec quelques minutes de plus sur le site internet de La Méthode Scientifique sur franceculture.fr. La Méthode Scientifique, c'est Antoine Beauchamp, Alexandra Delbo, Mariam Ibrahim, Natacha Triou, Amel Boucherka, Noémie Naguet, de Saint-Vulfranc, Olivier Bétard à la réalisation, Victoria Asper à la prise de son, Jean-Guy Lamège à la technique et comme toujours, La Méthode Scientifique, c'est en podcast sur l'application Radio France et sur le site franceculture.fr, ce à tout jamais jusqu'à la fin des temps, jusqu'à preuve du contraire.